t'inquiète, on va te faire une vendetta. Là c'est où tu fumes ton pète, où tu frappes ton tête. Le commissaire enquête, devant matin il empête. Quand une boy change de tête, boy tu le même en fait. Au stud pour un hit, avec les potes de la cité. Ils ont la direction, insiste, ils carburent au shit. C'est l'essentiel, je veux ma vue sur le ciel. Mais où tu veux que j'en vienne, la mise fait des siennes. Et c'est pas facile, l'argent les fascine. Sortez-moi en vrai qu'elle me fait un sourire à la voisine. Ça m'énerve même quand je suis paisible. À deux doigts de péter un fusible. J'aurais aimé être invisible. Et n'hésitez pas, pas, si tu m'aimes pas, pas. Dis-moi le jeu, pas, pas. Je ne vous gêne pas, pas. J'aurais aimé aider toute la terre. Mais on m'a dit t'es pas l'abbé Pierre. Les jaloux, je ne peux rien y faire. J'en veux à celui qui a jeté la première paupière. Ils me croient faibles, je les laisse faire. Je taffe toute la nuit, j'en ai des cernes. Je suis le même en ce qui me concerne. Je représente mes potes qu'on enferme. Madame la juge, tu te prends pour qui toi pour juger, yeah, yeah, yeah. Je voulais te dire à cause de toi, trop on purge, yeah, yeah, yeah. Je décapote l'hiver, déréglé, je m'endors vers 10h. J'aime pas du tout montrer, pour ça que tu me vois pas sur ton téléviseur. Elle prend soin d'elle, elle fait de la gym. Avant de dormir, je l'imagine. Elle me connaît, je lui ai dit ma jeune. Elle m'a pris pour un fou la jeune. Moi, je ne joue pas le leader. Moi, je n'aime pas les profiteurs. Personne t'écoute, ne fais pas le moniteur. Fais pas le fou, même ton humeur. J'en ai marre, laissez-moi. Je regarde le coucher du soleil. Me la fais pas, je sais que c'est toi. On sera plus collègues. J'ignore tout le monde, tu es en mode avion. J'ai mal partout, gros, je me fais vieux. Je regarde la constellation. Je pense aux frérots dans les cieux. Je connais des gens en dé qui savent pas où passer l'été. Tout le monde est sous bracelet. Je ressens l'anxiété. Ça crie dans ton appart. Ça fait cracher la carte. On va te casser la cote. Bâtard, tu vas payer la note. Nous, on n'est pas des salopes. Nous, on crache pas l'escalope. Ça t'esquive, ça clope. Va la faire à d'autres. Depuis que j'ai la cote, je peux te dire que je dors. Elle a faim de manger la ruine. Je dois aller les voir, j'ai pas d'huile. Sur moi, rien que ça fouine. En plus, ça serait pas la foune. Tu me cherches, tu me cherches. Mais dis-moi où tu es. Tu me cherches, tu me cherches. Mais dis-moi où tu es. Tu me cherches, tu me cherches. Mais dis-moi où tu es. Tu me cherches, tu me cherches.